Coucou, c'est Agathe. Les énergies chinoises s'envolent dans tous les sens cette semaine. C'est à nous de les apprivoiser entre changements professionnels, entre surprises sentimentales et envie de renouveau. Il y en a pour tous les goûts. Allez, c'est parti, on va commencer par les rats. Alors les rats, votre charme naturel est amplifié cette semaine, Amira. Une rencontre pourrait bouleverser votre quotidien. Qu'elle soit amicale ou sentimentale d'ailleurs. Côté professionnel, une idée brillante que vous avez depuis un joli moment pourrait enfin trouver écho auprès de vos collègues et de vos supérieurs. Ne lâchez rien. Profitez de ce regain de confiance pour sortir, rencontrer du monde ou même tester une activité en solo, pourquoi pas, comme un atelier de peinture. Après tout, vous avez aussi cette finesse, cet amour du beau. Ami buffle cette semaine. Le buffle est dans une dynamique d'introspection cette semaine. Vous ressentirez peut-être le besoin de vous isoler, tout simplement pour réfléchir à vos priorités. En amour, c'est le moment parfait pour écrire une lettre sincère à l'élu de votre cœur ou tout simplement pour prendre soin de vous si vous êtes célibataire et recharger vos batteries. Pourquoi ne pas aller voir un film en solo? Ça peut être sympa avec un grand paquet de pop-corn à la main. Vous en ressortirez certainement apaisé et inspiré. Pour nos amis tigres, cette semaine, c'est une semaine explosive pour toi. Tu as une énergie qui attire l'attention et une opportunité inattendue pourrait débarquer dans le domaine professionnel. Tiens-toi prêt. En amour, pour les tigres, vous pourriez croiser quelqu'un qui fait battre votre cœur beaucoup plus vite que d'ordinaire. Si vous êtes en couple, préparez-vous à une très belle surprise que va vous faire votre partenaire. Confidence, une révélation, une déclaration d'amour. Passez chez le fleuriste, profitez-en, histoire de commenter les roses ou une jolie plante, libre à vous, c'est une attention qui touchera profondément quelqu'un de très spécial. Pour nos amis lapins, les lapins ressentiront un doux mélange de nostalgie, de renouveau. Une ancienne amitié pourrait refaire surface, ce qui va vous chambouler et cette personne aura des choses très précieuses à partager avec vous. Côté professionnel, par contre, prenez votre temps, rien ne presse, pour analyser convenablement les situations auxquelles vous devez faire face. Ne vous précipitez pas. Je sais que vous aurez envie de vous débarrasser de certains chantiers, mais réfléchissez, prenez votre temps. Pour nos amis dragons, alors tu brilles encore cette semaine, tu brilles souvent d'ailleurs, ami dragon. Alors pour nos dragons, il y a une opportunité d'évolution professionnelle, un nouveau projet créatif qui va vous enthousiasmer, quelque chose peut-être qui vous met aussi en relationnel dans du commun, vraiment quelque chose qui va vous booster. Et en amour, attention, attention aux maladresses, soyez à l'écoute vraiment des besoins de l'élu de votre cœur, de la personne qui compte pour vous, c'est important. Allez faire un tour dans les boutiques, une belle pièce vestimentaire pourrait vous attendre et booster votre charme naturel. Ami serpent, c'est une semaine glamour. Vous avez envie de vous sentir magnifique et vous serez irrésistible. Prenez le temps de faire quelques magasins ou de voir ce qui vous ferait plaisir. D'organiser une soirée élégante, faites-vous beau de la tête aux pieds. Attention tout de même à vos finances, ne pas craquer complètement, attention à votre carte bleue, votre compte en banque a aussi besoin de repos parfois. Profitez peut-être de la période des soldes pour renouveler votre garde-robe, vous avez beaucoup de goût, ami serpent. Le cheval sent le vent du changement souffler. Il y a un bouleversement professionnel ou un nouveau projet qui émerge, qui pourrait occuper votre esprit. Côté cœur, côté sentimental, vous aspirez à plus de spontanéité. Ben, laissez-vous surprendre, laissez-vous faire, laissez-vous porter, ami cheval. Testez aussi un nouveau restaurant. Changez vos habitudes, allez vous étonner vous-même, l'aventure commence par une petite nouveauté à mi-cheval. Amis chèvres, c'est une semaine douce, c'est vrai, pour les chèvres, mais chargée de réflexion. Vous êtes dans une période de recentrage, tout simplement, et vous avez besoin de calme pour faire ces mises au point. En amour, la simplicité sera votre allié. Une promenade ou un bon livre partagé suffira à créer des souvenirs magiques. Prenez le temps de réorganiser votre espace, une petite bougie parfumée, une petite plante verte, pourrait améliorer et transformer votre ambiance. Ami singe, votre esprit vif est en ébullition. Une idée astucieuse et un projet à la fois vont vous rapporter gros. Vous osez le présenter. Et ça fonctionne. En amour, vous avez envie de légèreté et d'humour. Ce n'est pas étonnant, vous vous en sortez toujours par la magie de l'humour. Soyez vous-même, parce que vraiment, tout ira bien. Organisez une soirée jeu avec des amis ou un moment fun avec vos proches. Le rire est la meilleure des thérapies pour vous cette semaine. Ami coq, c'est une semaine studieuse pour le coq. Vous devrez peut-être régler quelques papiers importants ou organiser un projet professionnel. Mais vous inquiétez pas, no stress, vous êtes efficace et tout se passera très bien, détendez-vous. En amour, sentimental, misez sur des petites attentions concrètes. Ce sont les gestes qui sont importants pour montrer votre attachement aux personnes que vous aimez. Ami chien. Alors, nos amis chiens sont en quête de profondeur et de vérité. Ils vont au fond des choses. Il y a une discussion sincère avec quelqu'un de proche, peut-être un partenaire. Ça vous tiendra à cœur d'éclaircir les choses. Des finances, surveillez vos dépenses. L'équilibre est la clé pour vous, pour que vous ne soyez pas angoissé, pour avancer sereinement. Pour nos amis cochons, vous êtes dans une belle dynamique de partage. Côté professionnel, une très belle surprise, voire une reconnaissance qui va égayer votre semaine. Vous serez agréablement surpris. En amour, misez sur la spontanéité et le lâcher prise. Le naturel, il n'y a rien de mieux. Si vous croisez une opportunité de voyage ou une proposition de voyage ou de déplacement ou d'évasion, foncez. Même une escapade d'une journée pourrait recharger votre énergie. Voilà mes amis, c'était l'éphéméride de la semaine dans l'horoscope chinois. Les énergies différentes, c'est vrai, pour chacun, chacune, mais avec une belle promesse de croissance en émotion. Prenez soin de vous et laissez-vous porter par les vibrations de votre moment. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure des signes astrologiques chinois. Tchuss tchuss, merci de m'avoir suivi tout jusque-là. À bientôt!